Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. C'est notre rendez-vous hebdomadaire où on parle d'économie, mais en s'intéressant aux humains et aux enjeux qui se cachent derrière les colonnes de chiffres, de statistiques, de projections, de rendements. On est loin, loin de ça et j'ai pas l'intention de changer non plus. Et pour parler de l'humain derrière le concept d'économie, on fait ça bien simplement. Je fais la lecture d'extraits de livres que j'ai choisis et pas juste là, deux, trois lignes. Non, de bons extraits qui permettent de bien plonger dans l'univers du livre. Des livres qui traitent d'économie directement ou au sens large. Un livre par semaine, une heure entière qui est consacrée et un invité pour en parler. En fait, une invitée cette semaine. Et nous aurons ensemble une très intéressante conversation. Bienvenue à Econophile. Et Econophile est d'ailleurs bien présent sur les internets, et ouais, on va du fun aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, allez aimer la page, ça fait du bien d'ailleurs à toute l'équipe. Alors, allez sur Facebook, au facebook.com/Econophile891. Et puis, vous trouvez le blog de l'émission sous le bandeau, ben on voit le bouton « En savoir davantage ». Vous cliquez, puis hop, et ben vous vous retrouvez sur le blog. Vous voyez la balado qui donne accès d'ailleurs aux trois dernières émissions. Et puis, des textes qui sont inspirés des livres que nous présentons au cours de l'émission. Chaque texte contient d'ailleurs la référence du livre en question au cas où vous êtes comme moi, pas capable de résister à l'achat d'un livre. Je sais lire, c'est mal vu, mais comme je fais ça en solitaire, tu sais... Personne ne sait. Et oui, cette semaine, encore une fois, ce sera une belle et bonne émission, je le souhaite, bonne pour le cerveau et pour l'âme. Je vous fais la lecture d'extraits du livre « Le profit avant l'homme » du célèbre linguiste Noam Chomsky, le genre d'intellectuel ben tannant qui demande de la rigueur et qui pense que la Terre, ben, c'est pas un gros centre commercial, n'est-ce pas? Et le livre date quand même, là, c'est de 1999, cette édition que j'ai, moi, date de 2002, qui a été, revampée, publiée chez Fayard ou chez 1018. Bref, c'est un livre qui est bien intéressant parce qu'il pose les bonnes questions et fait de pertinentes observations sur notre société, le monde fou dans lequel on vit. Et puis, pour discuter de thèmes qui sont reliés à ce livre, comme la société de consommation, la financiarisation, toutes sortes de questions profondes et philosophique à la fois. Je m'entretiens avec Julia Posca, qui est chercheure à l'IRIS, qui s'intéresse justement à ces thèmes comme la financiarisation de l'économie, la dynamique des classes sociales. Oui, il y a des classes sociales, vous ne saviez pas, hein? Et, enfin, il paraît que ça a disparu. Aussi, l'économie politique du capitalisme, le phénomène de l'endettement des ménages. Alors, ça promet vraiment. Bonne émission. Ainsi donc, Le profit avant l'homme de Noam Chomsky, avec une introduction plutôt intéressante signée Robert McChesney, un professeur au département des communications de l'Université de l'Illinois. Il place les grands concepts en partant, utile pour ceux qui se disent, ben j'aime bien qu'on parle de néolibéralisme, mais de quoi on parle au juste? Ben le redire, ça conforte aussi le fait que c'est pas un mirage ou une invention, ça existe bel et bien, c'est un fait. Alors dans l'introduction, on lit ceci. Le néolibéralisme est le paradigme économique et social de notre temps. Il définit les politiques et les processus grâce auxquels une poignée d'intérêts privés acquiert le droit de contrôler tout ce qui est possible dans la vie sociale afin de maximiser leurs profits personnels. Au départ associé à Ronald Reagan et Margaret Thatcher, il est depuis une vingtaine d'années, en fait on pourrait même dire une trentaine d'années aujourd'hui, le courant économico-politique dominant dans le monde, repris par tous les partis politiques, de droite, du centre et souvent de la gauche traditionnelle. Ceci représente ainsi les intérêts immédiats d'investisseurs extrêmement riches et de moins d'un millier de très grandes sociétés. Pourtant, en dehors de certains cercles universitaires et bien sûr des milieux des affaires, ce terme demeure largement inconnu du grand public, surtout aux États-Unis. Les initiatives néolibérales y sont présentées comme une politique de liberté des marchés, hein, c'est intéressant ça, qui encourage l'entreprise privée, permet aux consommateurs de choisir librement, récompense la responsabilité individuelle et l'esprit d'entreprise, tout en sapant l'action de gouvernements incompétents, parasitaires et bureaucratiques qui ne pourront jamais bien faire, même s'ils ont de bonnes intentions, ce qui est rarement le cas. Des efforts de relations publiques menés pendant des générations, financés par les grandes sociétés, sont parvenus à donner à ces termes et ces idées une aura presque sacrée. Il en résulte que de telles affirmations ont rarement besoin d'être défendues et sont invoquées pour justifier tout et n'importe quoi, de la baisse des impôts pour les riches à l'abandon des mesures de protection de l'environnement et au démantèlement des programmes d'éducation et d'assistance sociale. À vrai dire, toute activité qui pourrait gêner la domination des grandes entreprises sur la société est automatiquement suspecte, car elle perturbe le fonctionnement des marchés libres, dont on fait les seules instances à même de répartir rationnellement, équitablement et démocratiquement les biens et services. À entendre les partisans les plus éloquents du néolibéralisme, on pourrait croire qu'ils rendent d'énormes services aux pauvres et à tout le monde quand ils appliquent leur politique en faveur d'une minorité de privilégiés. Ah ben oui, là, c'est comme ça qu'on le voit. Et là, on a un beau grand concentré de ce que c'est cette religion néolibérale, de la foi aveugle dans un marché, même si les chiffres, les données, les analyses disent le contraire, c'est pas grave. Il y a encore, malgré tout ça, des prêtres qui vont vous dire que c'est bon, que c'est parole d'évangile, le serment habituel. Donc, je poursuis. Comme l'explique Milton Friedman, ça c'est le grand prêtre, si vous voulez, là, le célèbre gourou néolibéral dans son livre « Capitalisme et liberté », moi juste le titre m'émeut, « Faire des profits est l'essence même de la démocratie ». Tout gouvernement qui poursuit une politique contraire aux intérêts du marché est donc antidémocratique, quand bien même il jouirait d'un large soutien populaire. Mieux vaut donc le cantonner dans les tâches de protection de la propriété privée et d'exécution des contrats, tout en limitant le débat politique à des problèmes mineurs. Les vraies questions, production et distribution des richesses, organisation sociale, devant être déterminées par les forces du marché. Armés d'une compréhension aussi perverse de la démocratie, les néolibéraux comme Friedman n'eurent rien à objecter en 1973 au renversement par les militaires chiliens du gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende, un gouvernement de gauche, c'est mal, qui perturbait le contrôle de la société par le milieu des affaires. Après 15 ans d'une dictature brutale et féroce au nom, bien entendu, de la liberté des marchés, la démocratie fut formellement restaurée en 1989 avec une constitution qui rendait beaucoup plus difficile, voire impossible pour les citoyens chiliens, la remise en question de la domination militaro-industrielle sur le pays. Voilà un parfait exemple de ce qu'est la démocratie néolibérale. Des débats triviaux sur des questions minimes entre partis qui, fondamentalement, poursuivent la même politique favorable au milieu des affaires, quelles que soient les différences formelles et les mots d'ordre de campagne. La démocratie est permise aussi longtemps que le contrôle exercé par le grand capital échappe aux délibérations et aux changements voulus par le peuple, c'est-à-dire aussi longtemps qu'elle n'est pas la démocratie. Le système néolibéral a donc un sous-produit important et nécessaire des citoyens dépolitisés, marqués par l'apathie et le cynisme. Première partie, oui, c'était vibrant, hein, ce que je viens de lire, vraiment, et ce n'est que la présentation du portrait du néolibéralisme. Première partie, donc, de l'entretien que j'ai eu avec la chercheure Julia Posca, et en plein dans le ton, d'ailleurs, de ce qu'on vient de lire, de ce que je viens de lire, nous parlons du pouvoir de l'argent, de l'emprise de l'argent, des grandes corporations sur la démocratie, sur les choix politiques, et donc des choix de société. Le marché répond aux besoins de la société, dit-on. Ben, plutôt les besoins des corporations, finalement. Le profit avant l'homme. Si je vous dis ça, vous, qu'est-ce que ça évoque? Oui, ben c'est sûr que c'est effectivement une thématique, de toute façon, qui revient souvent là, dans l'œuvre de Chomsky. Puis moi, je veux juste quand même souligner que le titre en anglais, c'était le Profit Over People, donc le profit oui. avant le peuple. Puis je pense que ça, c'est probablement... ça rend mieux, disons, l'idée qu'effectivement, on est dans... Bon, aux États-Unis, mais au Canada aussi, dans les pays... les sociétés contemporaines, on est dans un contexte où finalement c'est l'argent qui les puissances de l'argent qui ont le pouvoir sur la société plutôt que le peuple, que les citoyens et les citoyennes. Puis ça, on le voit bien, par exemple, dans le fait que bon, les élections, c'est un processus où finalement les candidats amassent des sommes astronomiques d'argent pour pouvoir avoir la plus grande visibilité et donc être capable de finalement en l'emporter sur l'adversaire. Puis là, on voit évidemment l'implication que les entreprises ont dans ce processus-là, dans le financement de ces élections. On voit aussi ce pouvoir de l'argent, donc des grandes corporations en fait, là, parce que c'est des entités qui sont concrètes, c'est pas un pouvoir abstrait. On voit que ces corporations-là sont capables d'orienter souvent le processus législatif hein, par l'intermédiaire exactement des lobbyistes. Elles peuvent aussi orienter le développement économique en général et donc social par leurs investissements, par les choix qu'elles font. Un exemple parmi tant d'autres, ce serait par exemple le développement de l'immobilier, puis donc des villes. Si on prend une ville comme Montréal, puis qu'on regarde le nombre de condos qui se construisent, on se dit, ben voici des décisions, en fait des décisions d'investissement de la part de promoteurs immobiliers, mais qui ont une incidence sur la manière qu'on a de se loger, la manière qu'on a de construire les villes. Puis on voit aussi que l'État lui-même se plie finalement à l'impératif de la croissance économique. Bon, par exemple, les programmes d'austérité, ben ils sont faits au nom de l'équilibre budgétaire parce que c'est soi-disant comme ça qu'on va finalement contribuer à la croissance de l'économie qui en fait est un synonyme là, pour l'accumulation de profits privés. Là. Et donc voilà, on constate bien qu'effectivement là, c'est avant tout l'impératif donc de créer ces profits-là qui priment sur le bien commun, sur le et donc les besoins du peuple, des personnes, des citoyens des citoyens ordinaires. Et puis ce qui en tout cas nous fait croire que ou ce qui est la marque d'un manque de démocratie, parce que la conclusion, c'est que le pouvoir dans les sociétés actuelles n'est exercé ni par ni pour le peuple, en fait. Évidemment, c'est une déclaration qu'on entend de plus en plus d'ailleurs, mais qui est quand même lourde de sens. Dans le fond, c'est qu'on questionne et on remet en question l'aspect démocratique des choses. Chomsky le fait fort bien d'ailleurs dans son ouvrage, je vous le dis. Il remet ça en question, effectivement, en parlant du pouvoir de l'argent, qui a la capacité d'acheter les médias, d'influencer les décisions politiques. Donc, ça devient énorme. Et à contrario, je pourrais vous ramener la citation de Milton Friedman, qui est un fier supporter fanatique du marché, qui dit « De toute façon, la démocratie, c'est la capacité, le droit de faire du profit. » Vous répondez quoi à cette phrase-là? Parce qu'on pourrait vous dire « C'est de la démocratie, ça. T'sais, j'ai le droit de m'enrichir aussi, c'est démocratique. » Oui, ben en fait, bon, disons que ça part d'une compréhension de la société particulière qui est celle de dire, ben finalement, une société, ce serait simplement une association de un agrégat d'individus, chacun porteur d'intérêts distincts et poursuivant chacun donc cet intérêt-là, leur intérêt égoïste. Hein? C'est toute la théorie économique orthodoxe repose sur cette idée-là, ou en tout cas, c'est une des idées phares, si on veut, de la théorie économique orthodoxe. Et donc, si on laisse les individus poursuivre leur intérêt égoïste, et donc, par exemple, développer des entreprises et rechercher le plus grand profit, ben c'est comme ça qu'on va créer de la prospérité pour tous et toutes. Or, évidemment, on est là dans un discours de légitimation d'un pouvoir qui est tout sauf démocratique, c'est-à-dire le pouvoir de ceux qui ont les moyens finalement d'orienter le développement de l'économie, de prendre des décisions qui ont un impact sur l'ensemble de la société, mais qui tiennent pas compte du bien-être du plus grand nombre finalement. D'ailleurs, si je reprends un peu ce que vous avez dit tantôt, on se sert souvent de l'offre et de la demande. Dans le fond, c'est que la prétention, c'est de dire « Ah, le marché est tellement parfait que quand il y a des gens qui veulent quelque chose, ben il y aura quelqu'un pour leur vendre. » Or, ce que vous me disiez tantôt, si j'ai bien compris, en tout cas, c'est qu'on oriente pas mal les affaires, c'est-à-dire notamment, vous donniez l'exemple du logement, c'est-à-dire que là, on fait du condo, ben ça va être du condo. Autrement dit, l'offre va conditionner ce qu'on peut trouver, va conditionner la demande. Oui, ben c'est ça. On est dans des sociétés qui sont complètement, ou en tout cas, en grande partie déterminées par finalement le besoin des corporations de faire du profit, mais donc d'accumuler en fait du capital puis de reproduire ce capital-là. Et donc finalement il y a plus de le développement de la société devient se soumet finalement à cet impératif-là. C'est ça, le logement c'est un exemple, mais l'industrie pharmaceutique c'en serait un autre. On a là une industrie qui donc développe des médicaments pas nécessairement pour soigner, mais qui est soumise à des impératifs de rentabilité, de croissance de la valeur actionnariale de l'entreprise. Et donc là, on voit des choses tout à fait aberrantes, que ce soit dans le prix des médicaments ou dans le fait que on développe des produits qui sont pas toujours sécuritaires, ou en tout cas qui peuvent causer autant de dommages qu'ils ont de bénéfices, là, qui causent de bénéfices pour les patients qui sont censés soigner. Donc, disons qu'on s'éloigne de l'idée de bien commun, puis de finalement de bien-être. Ouais. Ah oui, le bien-être peut-être d'une minorité en tout cas. Comme on lit dans le livre de Noam Chomsky, la démocratie néolibérale produit non pas des citoyens, hein, c'est pas ça le but, mais des consommateurs, non pas des communautés, mais des centres commerciaux. En quelque part, c'est oui, hein, et c'est un peu le rêve ultime avec l'ouverture de tous les marchés, hein, la Terre qui devient comme un gros Walmart, un gros centre commercial gigantesque, on serait-tu assez bien avec ça? Alors oui, on abaisse les barrières tarifaires, on fait tomber les contraintes. Tous les marchés du monde sont accessibles aux géants. C'est parfait ainsi, c'est la loi du marché. Ça va marcher, c'est sûr. Et dans son avant-propos, Noam Chomsky présente le texte qu'il a lu en février 2002 à Porto Alegre, ça, lors du Forum social mondial, le forum des déplaisants, des anarchistes gauchistes barbus. Et dans ce discours, il fait remarquer que pour contrôler ce que les pères fondateurs appelaient la population indocile, pour vrai, quoi de mieux que la guerre, les menaces. On a eu la guerre froide, elle est tombée, pas grave. On a la guerre, on fait la guerre à la drogue, la guerre au terrorisme. Bref, les crises, c'est bien pratique pour limiter les libertés individuelles, pour espionner du monde. Pourquoi pas des journalistes? Et pendant qu'on est en guerre, ben le complexe militaro-industriel est aux anges. Les contrats militaires sont généreux, continuels, les affaires vont bien, t'es comprends-tu, c'est comme ça. Faire mourir du monde, surtout des gens qui ont la peau un peu foncée, c'est vraiment payant. Alors oui, le néolibéralisme, c'est payant, ça enrichit. L'ennui, c'est que ça creuse aussi les inégalités, ça crée plein de problèmes, mais nous dit Chomsky, pas grave, à qui sont les médias, hein? Question classique d'ailleurs. À qui sont les médias? Même au cinéma, on s'est posé la question. Qu'est-ce que tu as demandé exactement? Ben, qui c'est que c'est les chiefs? Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, qui sont les chiefs? Qui sont les chiefs? Bon, attends, qu'est-ce que c'est ça? Ça appartient à quelqu'un, les chiefs. Moi, je vais en Floride, hostie, c'est là qu'est le mouton. Bon, c'était pas exactement la même affaire, mais le mouton, c'est ça qui compte. On le voit bien, l'argent. Hein? Donc, on militarise largement pour nous protéger des crises. Le déploiement militaire est utile et c'était même exposé clairement dans les documents du gouvernement, nous dit Chomsky, hein, du gouvernement. La première raison avancée est le fossé croissant entre possédants et dépossédés, hein, dont on s'attend à ce qu'il s'élargisse encore, contrairement à ce que prédit la théorie économique, mais conformément à la réalité. Les dépossédés, le grand animal de la planète, pourraient bien commencer à s'agiter et il convient de les maintenir sous contrôle au nom de ce que l'on appelle en jargon technique la stabilité, c'est-à-dire la soumission au dictat des maîtres. Cela exige un certain recours à la violence, ayant assumé, pour défendre leurs propres intérêts, la responsabilité du bien-être du système capitaliste mondial. Les États-Unis doivent, en ce domaine, être au premier rang. Je cite Gerald Haynes, historien de la diplomatie de la CIA. Il décrit dans une étude savante les programmes américains des années 40. Une domination écrasante dans le domaine des forces conventionnelles et des armes de destruction massive ne suffit plus. Il est nécessaire de franchir la nouvelle frontière et de militariser l'espace, en dépit du traité sur l'espace de 1967, jusque-là respecté. Oh oui, on la veut, notre bonne guerre des étoiles. Deuxième partie maintenant de l'entrevue avec Julia Posca, chercheur à l'IRIST. Ici, on va parler du fait que c'est le commerce qui prime. Dans le fond, là, pour résumer, il faut appliquer la recette du marché partout, hein, quitte à défaire d'ailleurs des mesures de protection sociale. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Faut ouvrir les marchés. C'est comme ça. Puis là, évidemment, on avance aussi des concepts comme la terre qui devient une espèce de grand centre commercial. Dans le fond, on voit et on sent bien que le commerce, la commercialisation, la publicité, bref, la consommation, hein, c'est le consumérisme qui est mis de l'avant. Ça prend toute la place ou pratiquement. Là. C'est qu'en fait, bon, c'est à l'origine même de l'économie de type capitaliste, c'était l'idée de justement transformer tant les producteurs, donc les travailleurs, et la nature, l'environnement en marchandises pour pouvoir, à travers donc un processus de production, ben créer des surplus, créer du capital et pouvoir l'accumuler. Mais évidemment, bon, ce processus-là, là, j'énonce rapidement là, ce qu'était à la base du capitalisme industriel. Bon, ce processus-là, cette logique-là, ce processus-là s'est transformé. C'est plus exactement l'économie c'est une partie de l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais la logique est la même, cette logique de marchandisation croissante du monde et la consommation de masse, effectivement, justement dans son évolution, le capitalisme a dû transformer des pratiques qui étaient en dehors du marché et les faire rentrer dans le marché, encore une fois, pour cet impératif-là d'accumulation d'argent, finalement. Qu'on pense, par exemple, au fait que on plutôt que d'avoir un jardin, de cultiver un potager pour s'alimenter, ben les familles vont aller à l'épicerie acheter des tomates en canne. C'est un peu anodin aujourd'hui, on n'y pense plus, mais ça a été une transformation importante dans les pratiques qui a permis cette extension du marché-là. Par contre, en même temps, quand on regarde l'histoire du 20e siècle, puis l'émergence de l'État-providence, mais on avait là une tentative de limiter cette marchandisation-là. Par exemple, en faisant en sorte que les salariés ne dépendent pas complètement des entreprises qui leur donnaient du travail puis qui leur vendaient des biens et des services. Donc, le fait de développer des protections sociales, la sécurité sociale, ben ça fait qu'on n'est pas toujours à la merci d'une entreprise. Le fait d'avoir des services publics, de dire l'éducation, la santé, ça va être des services qui sont pas justement soumis à cet objectif-là de rentabilité, de générer du profit. C'est une manière de limiter la marchandisation finalement de nos pratiques, de nos échanges. Et là, ben évidemment, ce qu'on voit avec le néolibéralisme, c'est une tentative de défaire tout ce filet social et donc de remarchandiser, si on veut, des pratiques qui avaient été, disons, mises à l'abri, si on veut, et donc de créer aussi des logiques de marché partout, encore une fois là où il y en a pas finalement, de créer des logiques de mettre en concurrence, par exemple, on le voit dans le monde de l'éducation, cette logique de concurrence entre les universités, Les écoles secondaires et aussi. Tout à fait, avec les palmarès. Donc là, c'est la logique s'infiltre un peu partout et même en temps même répondre aux problèmes qu'elle crée. Et je m'explique avec l'exemple de l'environnement. Hein. On a donc évidemment une empreinte écologique énorme. On constate des changements climatiques qui ont des conséquences catastrophiques sur les écosystèmes. Et là, on nous dit, la solution passe par le marché. On va créer un marché du carbone. On va se vendre des droits de polluer. Il faut assigner une valeur à la nature pour être capable de mieux la protéger. Donc, partout, cette logique-là de marchandisation est à l'œuvre. Et donc, c'est un changement culturel ou même civilisationnel important parce que on en vient à tout évaluer sur la base de la valeur monétaire des choses et de notre capacité à les marchander finalement. Et dans ce contexte où traité transpacifique, traité de libre-échange avec l'Europe, où on semble vouloir absolument abattre tout ce qu'il y a de barrières, de telle sorte qu'il y en a plus du tout de limites. Est-ce que comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous inquiète, cette espèce de rouleau? Moi, je vois ça comme un rouleau compresseur qui est parti, puis je vois pas qui va pouvoir enlever la clé du contact. Oui, tout à fait. Ben, c'est, je pense, à partir de cette même logique d'extension des marchés. En même temps, les nouveaux ou les traités de libre-échange les plus récents, ils vont pas tant nous permettre d'ouvrir de nouveaux marchés. Je veux dire, les marchés sont déjà tellement ouverts. En termes de commerce international, c'est pas des traités qui vont faire augmenter nécessairement le commerce international. Par contre, c'est des traités qui vont permettre de faciliter les échanges, par exemple en uniformisant des pratiques, des questions d'ordre juridique. Donc, c'est comme de mettre de l'huile dans l'engrenage du commerce international, mais c'est pas une sorte de traité qui vont le faire. Et pourtant, on nous le vend vraiment comme ça. On est politiciens, oui. On vend vraiment en disant, on va avoir accès enfin à de nouveaux marchés, des millions de clients, mais on les a déjà, ces clients-là. Ouais, ben c'est-à-dire, c'est ça. Effectivement, on nous dit que ça va participer à la croissance économique et encore une fois que par la magie, ça va ruisseler finalement sur l'ensemble de la population et qu'on craint plutôt, ou en tout cas si on se fie à ce que historiquement les traités de libre-échange ont permis, c'est plutôt aux pays finalement de se spécialiser davantage et donc de favoriser les plus gros joueurs au détriment de l'économie locale, des plus petites entreprises. Quand on a par exemple sur l'industrie française du fromage qui débarque au Québec, ben évidemment ça va devenir difficile pour les plus petits joueurs ici de faire compétition. À l'inverse, par contre, le Québec, par exemple, est un producteur de porc extraordinaire et capable de vendre au Japon. Donc il y a toute cette logique-là de spécialisation qui justement se fait au détriment de la diversité économique dans chacun des pays et donc au détriment d'une certaine souveraineté aussi économique, alimentaire. On devient dépendant les uns des autres. Vous écoutez l'émission Éconophile au 89.1, c'est KRL, c'est David Lemelin ici au micro. On le disait dans l'entretien, en fait, le commerce, le marché, ça prend toute la place, et Noam Chomsky tient le même discours, en fait, ben, nous tenons le même discours que Chomsky, je devrais dire, très préoccupé lui aussi par l'aspect démocratique des choses. Il écrit ceci: ce qui reste de la démocratie doit désormais être considéré comme le droit de choisir entre des marchandises. Les dirigeants des milieux d'affaires soulignent depuis longtemps la nécessité d'imposer au grand public une philosophie de la futilité et une vie sans objectif, afin de concentrer son attention sur des choses superficielles et notamment sur ce qui est à la mode. Submergés dès la prime enfance par une telle propagande, les gens pourraient peut-être accepter une existence soumise et dépourvue de sens et oublier l'idée ridicule de prendre en main leurs propres affaires. Ils abandonneraient leur destin aux sorciers et, dans le domaine politique, aux minorités intelligentes autoproclamées qui servent et administrent le pouvoir. Donc, pendant qu'on achète des niaiseries, il y en a qui gouvernent. C'est ça qu'on comprend de ce qu'il dit. Et le pouvoir, une fois qu'on l'a, ben on veut le garder. Et pour le garder, il faut maintenir les choses comme elles sont. Maintenir l'ordre mondial, c'est comme ça qu'il l'appelle. L'auteur rappelle que les États-Unis, tout particulièrement, ont toujours été très actifs à défaire les gouvernements, pourtant élus démocratiquement, mais dont les objectifs sortaient du cadre préétabli. Quand un pays, par exemple, cherche à mettre dehors la puissante United Fruit Company, ben ça crée des problèmes, voire des morts. Et ça s'est avéré. En 1928, en Colombie, on a tiré sur les travailleurs en grève, hein? Tiens-toi, distribuer de la terre aux paysans, c'est mal. Avoir un gouvernement socialiste, ça aussi, c'est mal. Il faut donc préserver l'ordre mondial. Et Chomsky écrit: « Le nationalisme radical est intolérable en soi, mais il représente également une plus large menace pour la stabilité. Hein, » notre mot fétiche. Autre formule au sens bien particulier. En 1954, alors que Washington se préparait à renverser le gouvernement démocratique du Guatemala, un responsable du département d'État déclara que ce pays était devenu une menace croissante pour la stabilité du Honduras et du Salvador. Sa réforme agraire constitue une puissante arme de propagande. Son programme social très large, qui entend aider les travailleurs et les paysans dans une lutte victorieuse contre les classes supérieures et les grandes entreprises étrangères, exerce un vif attrait sur les populations des pays voisins où prévalent des conditions similaires. La stabilité était en fait un synonyme de sécurité pour les classes supérieures et les grandes entreprises étrangères dont il fallait préserver le bien-être. Ouais. Oui, c'est épouvantable. Et non, ça n'a pas de sens. Mais là, vous vous dites, bon, c'est loin tout ça. On parle de 1954 et c'est à l'étranger. On voit pas ça ici. On n'est pas au courant. On peut pas faire grand-chose, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est faux. Savez-vous comment s'appelle la fameuse United Fruit Company, encore très active même aujourd'hui? Chiquita. Oui, les bananes que vous achetez chaque semaine au marché. Tiens donc. Ben oui. Ça prend soudainement un sens très intéressant, hein, le régime de bananes. We'll be right back. fight and we've seen the back of another black day. Alors le régime, lui, il mène, il maintient l'ordre mondial. La CIA est d'ailleurs très, très active et efficace dans ce domaine-là, vous en doutez bien. Le Guatemala, le Congo, la République dominicaine, le Vietnam, le Brésil, le Chili, l'Iran, hein, c'est 7 pays qui ont en commun d'avoir vu leur gouvernement renversé par des coups d'État clandestinement soutenus par les États-Unis avant d'être officiellement reconnus. Ah, c'est pas rien. Quand on pense à la série Homeland, maintenant, ça donne une perspective. Et ça, c'est sans compter les pressions financières, le chantage, les menaces, les pressions politiques qu'a pu mettre les États-Unis sur de nombreux pays, sans compter les colonies qu'on a exploitées et qu'on exploite encore. Ouais, l'ordre mondial, il fait dur, finalement, et on accepte le tout. Troisième partie, donc, avec Julia Posca, et on parle ici de financiarisation. Ça, c'est l'ordre mondial effectif, si on veut. La finance qui décide du sort des politiques gouvernementales. Et puis, on parle de l'avenir aussi, et de ce qu'on peut y faire. Parce que oui, la finance emmène large. Vous le savez, j'aime répéter à l'occasion qu'on se fie beaucoup davantage, peut-être beaucoup plus à la cote Moody's qu'à n'importe quoi d'autre. Ben non, la vie ne se limite pas à ça. Alors, voici ce que ça donne. Bon, d'abord, la finance est au cœur, je veux dire, de l'économie, des économies modernes capitalistes. C'est pas quelque chose de nouveau, la présence des acteurs financiers. Par contre, si on parle de financiarisation, c'est vraiment pour effectivement décrire la période récente où là, on voit une croissance des actifs financiers et donc un pouvoir grandissant des acteurs financiers, que ce soit les banques, les fonds de pension, les agences de notation. Et donc, on est en fait, cette importance-là qu'a pris la finance, bon, elle découle du fait que justement, il y a une nouvelle stratégie d'accumulation finalement du capital qui est plus, plutôt que de reposer simplement sur la production de biens et de services, ben elle repose sur donc cette nécessité-là de faire croître la valeur d'actifs financiers. On le voit par exemple dans la manière dont les entreprises sont gérées, le fait que finalement c'est l'impératif de faire croître la valeur actionnariale d'une entreprise qui détermine les stratégies de développement de ces entreprises. On le voit, on le voit. Et ça conditionne même le politique, là, quand même, là, parce qu'il y a des décisions qui sont prises, entre autres, pour sauver une entreprise. Parce que, je pense, le premier qui me vient, c'est Bombardier. Oui. Il faut absolument sauver ça parce que. Donc, ça veut dire que ça conditionne les décisions politiques. Oui, tout à fait. Ben, je pense, on le voit surtout, en fait, à chaque budget depuis, au moins 20 ans, quand le ministre des Finances nous dit, il faut équilibrer le budget. Parce que sinon les agences de notation vont nous donner une mauvaise cote et donc notre dette va croître et tout ça et on sera plus capable d'emprunter donc là on voit vraiment le pouvoir de la finance qui vient déterminer les décisions du gouvernement donc le pouvoir d'acteurs qui sont évidemment pas du tout démocratiques, pas élus démocratiquement, venir déterminer les décisions que le politique prend. Puis on voit aussi Bombardier, oui, mais un exemple peut-être plus flagrant de l'importance de la finance, on l'a vu, puis de la soumission des États à ce pouvoir-là, on l'a vu pendant la crise de 2008, donc la dernière grande crise financière qui s'est transformée en crise économique, où là, on a vu des banques créer finalement cette crise de toutes pièces, avec, toute la question là, des hypothèques subprime, le marché qui avait été créé puis qui a éclaté. Les États sont venus à la rescousse de ces banques-là parce qu'on disait si on les sauve pas, tout va finalement, c'est pas juste elles qui vont faire faillite, ça va être toute l'économie qui va faire faillite entre guillemets. Donc voilà, donc c'est ça, des acteurs qui vraiment sont au cœur de nos vies, puis aussi comme consommateurs, comme salariés, évidemment, le recours au crédit est grandissant, puis on sent bien que on est devenu dépendant de ce crédit pour maintenir notre niveau de vie, pour répondre à nos besoins. Ouais. C'est sûr que le portrait il est très peu reluisant, puis ça peut ça génère beaucoup de cynisme, notamment je pense parce que il reste que malgré le cours des choses, on est dans une société qui est riche comparativement à la majorité de la planète. Donc souvent c'est peut-être ce sentiment-là de finalement, ben, en tout cas, ça, je pense que ça génère justement plus de cynisme que de la prise de conscience et de la mobilisation. En même temps, ce qu'on constate, c'est quand même que, par exemple, il y a beaucoup de souffrance qui est liée au travail, que ce soit au manque de travail ou au rythme du travail. Les gens sentent que leur pouvoir d'achat ne suit pas la croissance finalement de la richesse qui est produite collectivement. Et donc, il y a beaucoup de mécontentement. Puis d'ailleurs, ils s'entendent sous différentes formes, évidemment. Je veux dire, on peut voir ce mécontentement-là autant s'exprimer à travers un mouvement comme Occupy Wall Street, mais autant à travers la campagne actuelle aux États-Unis où finalement toute la popularité d'un Donald Trump puise à ce mécontentement-là puis à ce sentiment-là que finalement notre qualité de vie diminue. Mais on le voit aussi au Québec, par exemple, je pense dans une défense des services publics contre justement l'austérité, bon, notamment dans les dernières années. Je pense que l'enjeu, c'est d'essayer de mobiliser ou en tout cas d'essayer de canaliser ce mécontentement-là, mais de manière à finalement créer du changement qui, dans le sens d'un plus grand progrès social et pour aller vers plus de bien-être finalement. Puis ça, ben, ça va demander forcément, je pense, aux acteurs politiques de renouveler leur discours et leurs pratiques probablement. En tout cas, si on croit, je pense, dans la justice et dans le progrès social, il faut entre autres prendre acte du fait que la droite prend beaucoup d'espace mais mise justement sur le mécontentement dont je parlais pour finalement soit gagner des votes ou en tout cas rassembler et mobiliser la population, mais c'est pas, il y a pas de fatalité, je pense à ça. Il faut simplement s'organiser et développer des propositions qui vont aller dans le sens, c'est ça, dans le plus grand le bien-être pour tous et toutes, quoi. Là, on a des élites qui, au nom, encore une fois, du progrès, c'est-à-dire du bien-être de tous, sont en train de saccager ce qui avait été construit. Je pense qu'il faut se rappeler donc que on a des institutions à défendre et que les décisions, elles sont justement politiques. Que c'est pas vrai que on peut rien faire parce que les marchés, on peut rien faire parce que les agences de notation, ça c'est des discours de légitimation. Il faut se rappeler que toutes les décisions qu'on a prises pour par exemple déréguler les marchés financiers ou des décisions comme imposer la loi sur le déficit zéro, le régime fiscal, ce sont toutes des décisions politiques. Donc ça veut dire qu'on est capable, si on les a prises, on peut les défaire ou on peut prendre des décisions différentes, mais évidemment, ça demande peut-être une implication plus grande et en même temps, ben je pense que les élites profitent du fait que à la fois les citoyens sont pas très mobilisés et pas seulement parce qu'ils sont blasés ou parce que s'intéressent pas à la politique, mais aussi parce que justement la vie devient plus difficile et donc c'est vrai qu'on a moins de temps pour s'organiser, pour se rassembler, pour discuter, mais moi j'ai confiance quand même parce que il y a rien de l'histoire est pas tracée d'avance et l'histoire est pas terminée comme le disait un certain politologue, l'histoire est toujours en marche et donc même si on a l'impression de refaire les mêmes combats, ben c'est jamais terminé. Ouais, Ouais, elle termine ça avec un sourire, ça fait du bien. Pour maintenir l'ordre mondial, Noam Chomsky aborde alors un de ses sujets qui est préféré, embrigader l'opinion publique, fabriquer le consentement, comme le disait son plus célèbre ouvrage. Il cite le travail du sociologue Franklin Giddings qui parlait de consentement sans consentement dans sa doctrine du consentement des gouvernés. Chomsky écrit à propos de celle-ci, donc, cette doctrine: le peuple doit se soumettre à ses gouvernants, et il suffit pour cela qu'il donne son consentement sans consentement. Au sein d'un État tyrannique ou à l'étranger, on peut faire usage de la force. Quand c'est plus difficilement envisageable, il faut obtenir l'accord des gouvernés par ce que l'opinion progressiste et libérale appelle la fabrication du consentement. C'est joli, ça, hein? Et pour faire ça, on a donné naissance à une énorme industrie, hein, c'est celle des relations publiques, bien sûr, dont la tâche est de contrôler l'opinion publique. Oui, parce que le monde, on n'aime pas ça, on s'en méfie. Chomsky cite un des pères fondateurs aux États-Unis qui a déjà déclaré à propos du peuple: « Quand je parle du public, j'entends sa partie rationnelle. L'ignorant et le vulgaire sont aussi peu qualifiés pour juger des modes de gouvernement qu'incapables d'en tenir les rênes. » Le peuple est un grand animal qu'il faut dompter, disait de son côté Alexander Hamilton, quand même premier secrétaire du Trésor des États-Unis sous George Washington lui-même. C'est poétique tout ça. Et en France aussi, d'ailleurs, on avait au 18e et au 19e siècle une façon bien charmante de catégoriser les gens. On parlait des gens de bien. Il fallait laisser les gens de bien gouverner. Et on n'est pas des gens de bien si on n'a pas du bien. C'est la propriété privée qui faisait de vous une bonne ou une mauvaise personne. Ah, oui, c'est déprimant. Autre personnage pittoresque, John Jay, premier président de la Cour suprême aux États-Unis, exprima clairement la doctrine régnante: ceux qui possèdent le pays doivent le gouverner. Restait à régler une question: qui possède le pays? Mais la réponse fut fournie par l'apparition des grandes sociétés privées et de structures conçues pour les protéger et les soutenir, bien qu'il reste difficile de contraindre le grand public à garder un rôle de spectateur. Chanson qu'on entend, le spectre, la domination mondiale. Je trouvais ça conséquent et cohérent. La possession des marchés libres, c'est plein de choses, hein. C'est par exemple accepter de vendre des armes à des dictatures brutales parce que, qu'est-ce que tu veux, si c'est pas nous autres, ben c'est un autre qui va avoir l'argent. On l'a entendu celle-là, notamment pour des camions. C'est imposer les façons de faire américaines et la suppression des barrières au commerce partout et gare d'ailleurs aux pays qui posent des questions. Ça aussi, c'est plutôt déplaisant. C'est imposer sa vision, même si ça signifie rendre un peuple malade, souffrant. D'ailleurs, Chomsky, dans son livre, parle abondamment du cas de Cuba, qui a toujours été convoité par les États-Unis et traité comme tel, d'ailleurs, oui, un objet de convoitise, par exemple. Les normes de santé et d'alimentation ont beaucoup souffert du récent resserrement de l'embargo américain, qui inclut notamment les importations alimentaires. Des enfants hospitalisés qui souffraient, les médicaments essentiels leur étant refusés, et des médecins contraints de travailler avec un équipement médical d'une efficacité réduite de plus de moitié, car ils n'ont pas de pièces de rechange. Voilà les crimes réels, bien plus réels que la violation épisodique ou réfléchie des instruments légaux utilisés comme armes contre des ennemis officiels. Ils témoignent du cynisme dont seuls ceux qui sont vraiment puissants peuvent faire preuve. « Et je dois dire que le livre de Noam Chomsky a bien des aspects intéressants, dont celui-ci, c'est un livre qui ratisse large, hein, qui fait de la macro-politique, si je puis dire. C'est comprendre que les gestes des zélotes du néolibéralisme, c'est des... Les Américains en tête ont des impacts importants, finalement, graves, vastes d'ailleurs aussi. C'est pas des décisions isolées qui ne touchent que l'économie américaine, non. C'est une vision du monde qui s'impose avec ce que ça veut dire de souffrance, de misère, de renonciation aussi. Et ce qui est bon dans un sens n'est pas forcément dans l'autre d'ailleurs aussi. Hein. C'est le libre marché, c'est la liberté d'imposer les valeurs américaines, mais pas la liberté pour le pays qui les subit de se défendre. Illustration de la chose par un cas tellement simple, Clinton Bill, celui-là, inspiré par cette même passion de la liberté du commerce, a fait pression sur le Mexique pour qu'il signe un accord mettant fin à l'expédition de tomates bon marché vers les États-Unis. Ce véritable cadeau fait aux producteurs de Floride coûte près de 800 millions de dollars par an au Mexique et viole aussi bien les accords de l'ALENA que ceux de l'OMC. L'administration Clinton explique sans détour que les tomates mexicaines sont moins chères et par conséquent préférées par les consommateurs américains. Bref, en ce cas précis, la liberté des marchés fonctionne parfaitement, mais dans le mauvais sens. Ou peut-être ces tomates constituent-elles une menace contre la sécurité nationale. Ou Bill avait moins de misère avec les cigares, ça, mais bon, c'est autre chose. En fait, on peut parier davantage que c'est une question électorale. Hein. La Floride, c'est pas acquis aux démocrates. C'est un swing state qui change de bord d'une fois à l'autre, alors c'est pas bon de se mettre à dos des producteurs locaux. Hein. C'est beau, le libre marché, vous trouvez pas? Et les États-Unis, pourtant, premiers représentants du capitalisme ouvert, libre, font eux-mêmes beaucoup de protectionnisme. Ça, c'est un fait. Je vais me retrouver dans mes notes. Ils subventionnent effectivement des industries, des secteurs économiques, l'agriculture, télécommunications. J'ai une liste comme ça qui est interminable. Autrement dit, le marché n'existe pas. Et parce que s'il existait, ben, ce sont ceux qui vendent le moins cher qui gagneraient, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus dans ces coins du monde où les salaires sont ridicules, où les droits de l'homme sont accessoires, tout comme les lois pour protéger l'environnement ou la santé des gens. Le vrai libre marché, ce serait manger de son prochain jusqu'à ce qu'il soit le seul survivant qui contrôle tout. Et les États-Unis ne veulent pas que ça arrive, bien entendu. Alors, faut vendre un libre marché, mais contrôlé. Ils l'ont eu l'affaire, les Américains, hein? Ben, pas tant que ça, finalement. Alors, Le profit avant l'homme de Noam Chomsky, un livre humain qui fait du bien, bien franchement, complet, comme je l'ai mentionné. C'est déjà tout pour nous. Alors, merci infiniment à notre invitée, Julia Posca. Ça a été un véritable plaisir de discuter avec elle. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à écouter en balado. Merci. À samedi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.